Chapitre 12e. Derrière la porte du salon, dans l'antichambre, André se tenait droite, glacé de crainte, tout son corps devenu froid, excepté sa tête qui brûlait. Elle allait rentrer un moment auparavant, après avoir salué Maître Auboin, lorsque le bruit des voix l'avait arrêté et cloué là, brusquement. Qu'y avait-il donc? C'était son père qui parlait, puis Geneviève maintenant. Et que disait-il? Chaque parole de ces êtres chers lui entrait au cœur comme une lame de couteau. Elle l'aimait comme une sœur aînée, cette Geneviève, et elle l'entendait, là, répondre avec une espèce de dureté implacable, de colère méchante, à cet homme qui lui disait « Je t'aime ». André s'appuyait à la muraille pour ne pas tomber. Elle sentait que la fraîcheur des murs faisait du bien à la fièvre soudaine qui maintenant lui venait. Glacée tout à l'heure, ses mains étaient toutes chaudes maintenant. Elle n'osait pas entrer. Elle ne voulait pas que Ribert sût qu'elle avait tout entendu, tout. Elle restait muette, ne bougeant pas, l'oreille tendue, malgré elle, avec l'avidité douloureuse de tout entendre. Les voix s'étaient tues. Un bruit de porte qui se fermait. Son père, évidemment, qui rentrait dans son bureau. Puis, une sorte de sanglot ou de soupir de Geneviève qu'elle devinait assise, et le frôlement d'une robe sur le tapis. Encore une porte ouverte brusquement, refermée de même. Geneviève avait regagné sa chambre. Là-bas, elle songeait à cette pauvreté qui venait, à cet abaissement quotidien, au malheur sans fin, sans relâche, sans espoir. Et si André avait su qu'en se répétant avec une sorte de rage nerveuse, « Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus », la femme de Ribert pensait à ce serment de main plein de promesses de Guillemard, aux mots à double entente, aux promesses du cousin Émile, énigmatiques et troublantes. Elle ne pouvait le savoir, André, ni le deviner. Âme droite, ne soupçonnant point le mal, et toute stupéfaite, éperdue devant cette réalité qui l'étreignait au cœur. Il avait cessé le bruit affreux de cette discussion irritée, amère, blessante, entre ceux qu'elle aimait plus que tout au monde. Il avait cessé, mais elle l'avait entendu. Et quels mots meurtriers comme des poignards étaient venus jusqu'à elle. Était-ce vrai? Était-ce possible? Il y a de ces hallucinations mauvaises. Si c'en était une. Ah, comme elle eût voulu que ce fût une de celles-là. Et elle avait envie de courir embrasser son père, de le consoler, de coller sa joue à sa joue, de lui dire « Je suis là, tu sais, je t'aime. Tout ce que tu fais est bien fait. Du pain noir avec toi, mais ton honnêteté intacte. Tu as raison, tu as la raison vraie, l'honnêteté vivante. Je t'aime, je suis ta fille, ta bien-aimée fille, je ne te quitterai jamais. » Je t'adore. Et Geneviève t'aime aussi. Ne l'écoute pas. Elle se calomnie elle-même. Oui, elle allait lui dire cela au pauvre homme qui là-bas sanglotait peut-être. Elle poussa la porte, traversa le salon assombri où une lampe unique brûlait au milieu des tasses de thé, des gâteaux en désordre, et elle entra dans le cabinet de son père. Ribert n'y était plus. Il avait dû descendre à son bureau par l'escalier de service puisqu'elle ne l'avait pas vu dans l'antichambre. Elle alla à la fenêtre de la salle à manger. Des lumières filtraient en effet en bas à travers les volets du magasin. Pour se consoler, pour oublier, Victor Ribert travaillait. André demeura un moment pensive, sentant les larmes qui venaient. Puis elle quitta la fenêtre et rentra au salon, lugubre. Elle s'était assise machinalement, accablée sous un découragement de malade. C'était fini maintenant dans la chère maison, ces soirées si calmes d'autrefois, si douces, ce pauvre bonheur. Et regardant à la muraille un portrait de Ribert fait jadis, Ribert jeune, souriant, presque rose, trop gai, comme il disait, trouvant que le peintre lui avait donné un rire qu'il n'avait pas. « Cher père, » lui dit-elle en lui envoyant un baiser, « Oh, mon pauvre père !» Et relevant l'abat-jour de la lampe pour le mieux voir, le contemplant là, effrayé des changements de cette physionomie autrefois heureuse, amaigrie maintenant et souffrante, elle restait les yeux fixés sur ce portrait qui semblait lui sourire. Elle n'entendit même pas la porte du salon qui s'ouvrait doucement. Elle ne vit pas une ombre qui restait debout à l'entrée, mais la voix, très douce, avec son accent mâle, d'Olivier Giraud qui lui parlait, vint à elle comme une caresse, et elle se retourna, apercevant le jeune homme dont le bras s'étendait vers le portrait du père. « Rappelez-vous bien, » disait le jeune homme, « que je ne le quitterai jamais. »« Jamais, jamais. » Elle s'essuya les yeux. « Est-ce possible? Il faut gagner sa vie. C'est le droit et le devoir de tous. Ici, vous devez bien le savoir, mon père ne va plus pouvoir rémunérer dignement votre... » Il ne la laissa pas achever. Il s'approcha d'elle lentement. « Vous souvenez-vous de notre conversation il y a 2 ans dans le jardin de Ville-d'Avray ?» Si elle s'en souvenait. Ses chers souvenirs, évoqués tout à coup, l'arrachaient brusquement à sa peine présente. C'était un brouillard qui se levait, laissant voir des horizons verts avec du soleil, des fleurs, un sourire. « Et vous, » dit-elle, « vous rappelez-vous les cloches de Chaville ? Et les saules de l'étang ? Et le mendiant ?» Elle resta un moment attendrie, sans parler, presque suffoquée. « Si je m'en rappelle tout ça, c'est ce jour-là, en revenant de l'étang de Villebon, que vous vous êtes mis, en causant, à vous confesser, comme vous disiez. Vous teniez à m'expliquer votre caractère indépendant. « Sauvage, » dit Olivier. « Eh bien, si vous vous en souvenez, vous devez être sûr que je resterai ici. » Il avait dit cela d'un ton ferme, en la regardant bien en face, franchement. « Je devinais bien que vous pouviez craindre que les offres de M. Guillemard ne m'eussent tenté. C'est pourquoi je suis remonté pour vous dire de suite ce que je vous dis là. Votre père a besoin de moi, je reste avec votre père. Et c'est tout simple. J'ai à me faire pardonner, je vous le disais ce soir-là, souvenez-vous, une sorte de fierté un peu hautaine, une susceptibilité un peu farouche. Mais que j'ai ces défauts-là, c'est tout naturel. C'est tellement vil, la cupidité, qu'on ne doit pas même risquer jamais d'en être soupçonné par personne. » Elle voulut l'interrompre. Il fit un geste. « Tant que ces sentiments seront à l'abri comme dans cette maison, c'est encore cela que je vous disais, l'avez-vous oublié? Tout ira bien pour moi. Je ne suis pas exigeant avec le sort. Mais si, je ne sais quand, je ne sais comment, j'avais la moindre peur d'être suspecté de quoi que ce fût, de vénal ou d'intéressé, eh bien je m'en irai, et personne, pas même vous, André, ne pourrait me retenir. » « Oui, » fit André lentement. « C'est bien ce que vous m'avez dit. » Puis elle resta silencieuse, le regard à terre. La pendule sonna 11 heures. André releva la tête. « Oh, mais il est tard. Je vous en prie, dites à mon père de remonter. » Le jeune homme fit un pas vers la porte. Elle le retint du geste, lui tendit la main, et pendant qu'il gardait dans la sienne cette main de jeune fille, « Pas même moi, » murmura André de sa jolie voix caressante en cherchant dans l'ombre ses yeux. Elle lui reprenait peu à peu sa main, d'un mouvement doux, sans pudeur fausse. « Il faut me pardonner, mademoiselle, » répondit Olivier dont l'accent tremblait un peu. « Pas même vous. » Et au fond de ce « pas même vous », répété avec sa fermeté de soldat, un amour profond, voilé, attristé, tremblait. Leurs mains s'étaient séparées. Il dit encore « Je vous renvoie votre père. À demain. À demain. » André écoutait le pas du jeune homme qui s'éloignait. Elle resta un moment là encore, pensive. Elle se répétait, avec l'accent qu'il y avait mis, les mots « pas même vous ». Et puisque c'était la médiocrité du logis qui l'attachait à la maison, qui le rapprochait d'elle, cet Olivier, elle était presque tentée de trouver un charme à cette lutte avec la pauvreté dissimulée sous un demi-luxe. Elle l'eût aimé, cette vie presque besogneuse, si elle n'eût pas coûté, jour par jour, un peu de force, un peu d'espoir, un peu de vie à son père. Elle courut à la porte en entendant qu'on l'ouvrait. Ribert remontait, sa lampe à la main. Il sourit en voyant sa fille. « Allons, » dit-elle en l'embrassant, « c'est le contraire d'autrefois. Tu me grondais quand, petite, je ne voulais pas me coucher. Maintenant, c'est moi qui me fâche. Oh, le grand enfant, le cher grand petit. Allons, allons, dodo, papa. » Et coulant jusqu'à lui sa tête blonde, elle resta un moment ses lèvres collées au cou du pauvre homme, tandis que lui, moitié riant, moitié pleurant, disait tout bas, en l'embrassant dans les cheveux. « Tu as raison. Tu vois, j'obéis. Chère adorable fille, mon grand bonheur va, ma petite maman. »